Ghetto Érudit change de formule et vous accueille tous les deuxièmes vendredis du mois au Bistrot Sanguinet pour une session live Ghetto Érudit en direct et sans coupure. Ne ratez pas la chance d'assister à un spectacle gratuit mettant en scène plusieurs artistes hip-hop de la scène locale et internationale. Ghetto Érudit en direct et sans coupure, live au Bistrot Sanguinet situé au 308 rue Sainte-Catherine-Est, le vendredi 13 février dès 20h30. Une présentation de Choc FM en collaboration avec le Bistrot Sanguinet. Vous désirez poursuivre des études au cycle supérieur? L'INRS offre plus de 20 programmes d'études à la maîtrise et au doctorat à Québec et dans la grande région de Montréal. À l'INRS, vous avez la chance d'intégrer une équipe de recherche dynamique, de bénéficier d'un enseignement multidisciplinaire axé sur la pratique de la recherche, d'avoir accès à des équipements de pointe, de profiter d'un encadrement personnalisé et d'un soutien financier compétitif. Étudiez à l'INRS, une approche d'avant-garde. Pour en savoir plus, www.inrs.ca. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Yeah, rien d'autre que de l'alternatif et que de l'urbain. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle d'expérience au zoo, d'astrologie, de cours de conduite. Et si on a le temps, je vais vous plier un t-shirt en 3 secondes. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Ça me rappelle des souvenirs. Mmh. Bubble, bubble. Ben bon, on savait qu'il y avait une culture de gamer en dessous de ce poêle-là. Moi, bubble, bubble, oui. j'ai découvert récemment qu'on n'avait pas besoin de se timer pour sauter sur les bulles, on avait juste à tenir le piton. Garder le doigt sur A, effectivement, ouais. Pour sauver des heures et des heures. Ouais, ouais, sûr, j'étais sûr qu'il fallait se timer. Surtout au stage 57. C'est moi, fort ça, probable. Ça me donne le goût de dormir parce qu'en fait, ma chambre était au-dessus du sous-sol où est-ce que j'entendais toujours les chansons de mon frère alors qu'il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et voilà, donc Bubble Bubble qui est le secret du passé qu'on va avoir aujourd'hui à 70%. Sinon, on a Andy Watty. Bonjour, M. Watty. Bonjour. Bonjour. Un politicien de la relève qui est ici pour nous parler de ses idées qui sont assez pour le moins révolutionnaires. On va parler de ça au courant de l'émission. Jessica, toi? Moi, je vous parle d'un truc qui nous entoure chaque jour, auquel on porte plus nécessairement attention, mais qui nous affecte. Oh boy, hein, Bruno, lui, il en a parlé. Forêt, toi, t'avais un spécial aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, j'ai pas un spécial musical. Aujourd'hui, j'ai amené une Bible. T'as amené une Bible? On verra ce que je vais faire avec ça. Et donc, Étienne va nous parler de Bible. Et sinon, on a Sarah Juni qui est là pour juste être belle. Pour nous faire un indicatif. Je pourrais faire un indicatif un peu plus tard. Je me prépare. Et donc, Sarah se prépare. Vous aurez remarqué qu'elle est blonde maintenant. Moi, de mon côté, c'est Ostage Syndrome Otage qui a été voté au douteux.org et qui va donc constituer le film d'aujourd'hui. Avant de continuer à l'émission, là, hein, on va se réchauffer. On va écouter Captain Beefheart, Abba Zappa. C'est pas qui dit Abba, là, c'est la toune s'appelle Abba, A-B-B-A, Zappa. Zappa. Z-A-P-P-A. Take a chance on me? Non. Money. Donc, on écoute Captain Beefheart, on vous revient à 70%. Avec Andy Watty, on va commencer l'émission avec le monsieur qui s'est déplacé pour nous parler de ses idées. Yeah. On est de retour. Teint la tondeuse. Alors, la semaine dernière, je vous avais parlé de recyclage dans mes manchettes, mais finalement, j'en ai pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on avait trop d'invités et tout ça. Donc, là, les gens disaient « Bruno, comment ça, t'as pas parlé de recyclage la semaine dernière? » Eh bien, je vais en parler maintenant. Eddie House, 53 ans, de San Carlos, en Californie, recycle, composte, trouve des gens à qui donner les choses dont il n'a plus besoin. Il a tellement réduit sa production de déchets qu'il a cancellé son service de collecte de déchets l'an dernier. Maintenant, la ville le poursuit en justice. La poursuite prétend que House a brisé le code municipal qui oblige tous les résidents à engager Allied Waste pour la collecte de déchets au moins une fois par semaine et compte obtenir une injonction contre lui. Brian Moura, gestionnaire civil de San Carlos, affirme que la poursuite a été lancée après que des voisins se soient plaints que House brûlait des déchets. House affirme ne brûler que du bois. Ben dis donc. Donc voilà. Tu vas prendre ton service de ramassage de vidange, mon grand. Ouais. Même si t'en as pas de vidange, fais-en. Fais-toi-en, puis jette-les. C'est ça. Mm-hmm. Voilà. Une petite dernière? Ah, ben oui, on peut y aller. Vos dernières expériences au zoo n'étaient pas assez extrêmes à votre goût? C'est vrai. Oui. Hein? Caslantienne, les gardiens du zoo au Caire vous offrent la chance d'entrer dans la cage d'un animal dangereux de votre choix et de participer à des activités avec le dit animal. Pour moins de 10$, vous pourrez faire des câlins à un ours, nourrir des crocodiles, déranger un morse ou provoquer des lions. Des activités. Des activités. Déranger un morse. Puis animal dangereux. Mais sûrement. Ouais. Ah ben mort, c'est très territorial. Hein. Ouais. Non, oui, les gros mammifères marins, là, faut faire attention à ça. Hein. C'est comme les hippopotames aussi, là. C'est dans les animaux qui créent le plus de décès au monde chez des êtres humains. Hein. On prend ça pour acquis. On apprend des choses cette semaine. Je vais aller au Caire. Aller faire un petit tour. Hein? Aller dire salut à un morse. Ben oui, déranger un morse au Caire, tu reviendras. Déranger un morse. Hey, donc, on va être un petit peu plus sérieux. On va parler politique, on va parler relève, on va parler idées, révolution. Je vais faire ici, je vais lire le petit texte de présentation de Andy Watty. Bonjour, M. Watty, qui est venu nous voir aujourd'hui. Ben, ça va? Ben, ça va très bien. Chaque jour est toujours un cadeau ici à 70%. En plus, j'ai Jessica et Sarah devant moi. Là. Ça va bien. Pas vraiment devant. Ben, je te vois pareil. Mais habituellement, ouais, non, j'ai rien à dire. Ouais, là, je vais me retenir. Non, donc, c'est moi, ma frère. Andy Watty est un politicien aux idées pour le moins novatrices. Il vise la redivision du monde ainsi que la création de nouvelles langues. Selon son manifeste qu'il distribua lors des dernières élections fédérales, il prétend apporter des solutions aux problèmes démographiques qui frappent notre belle humanité. Candidat indépendant du Parti de la conservation, Andy Watty propose à ses collègues humains de revoir la distribution du pouvoir et le schéma familial comme on le connaît. Sa solution, deux points, un représentant élu parmi chaque famille étendue de 50 individus aura droit de parole auprès des instances. Les femmes demeureront à la maison avec les parents, diminuant ainsi les occasions et les envies de procréer. Comme il place la surpopulation au centre de tous les autres problèmes, les femmes seront limitées à 2 enfants chacune. Certains critères pourront voir ce chiffre modifié de plus ou moins un. Pour superviser tout ça, Watty espère transformer l'île de Chypre dans la Méditerranée pour en faire la capitale de sa vision du monde. Nous, au Québec, aurions Winnipeg comme capitale de notre région, région qui s'étendrait des Antilles jusqu'à la Saskatchewan et le nord du Québec. Plus à l'aise en anglais qu'en français, M. Watty est ici pour répondre à nos questions concernant son programme et ses idées. De mon côté, moi, je vais tenter de voir si je ne pourrais pas hériter de l'Alaska quand il aura réussi à mettre son plan à exécution. Si vous avez des questions, vous, du vôtre, n'hésitez pas à les poser à M. Watty en nous contactant au 514-987-3000, poste 1610. Premièrement, merci d'être passé, Andy. Très apprécié. Sinon, ben, first, please, talk to us about how you see the world of tomorrow and clarify this. Do you wish for 1% out of 50 to be able to procreate, or was it 1 out of 50 being able to partake the political process? Well, it's the political process, le process political, c'est avec tout le monde. Mais cette idée de le monde est en danger, mm-hmm. et comme ça, c'est nécessaire d'avoir un programme pour faire attention de des choses qui est des dangers. Mm-hmm. Et avec ça, avec eux par 50 personnes pour des babies, je pense que c'est laisser le numéro de personnes très vite et très bon. Donc, vous, votre but, c'est vraiment de diminuer la surpopulation de la planète. Oui. Une personne sur 50 aurait le droit d'avoir des enfants. Oui. Oui. C'est assez quand même difficile de déterminer qui pourrait avoir des enfants. Familles, des extended family en anglais. Oui, ça m'est entendu. Oui. Faites des arrangements pour quel membre de cette groupe... Le groupe voulait avoir des babies pour des groupes. Donc, vous laissez la responsabilité de déterminer qui a le droit d'avoir des enfants ou juste mentionner le petit cosme là, des familles étendues. C'est comme si nous autres, à douteux.org, on essaierait de voir qui aurait le droit d'avoir des enfants. Parce que c'est une famille. C'est pas moi. Chaque famille, donc, déciderait elle-même qui serait. Par exemple, votre famille, avec votre tante et votre oncle et tout ça, mm-hmm. peut-être il y a 100 membres de ce groupe. Si on prend tout le monde, oui, sûrement. Et avec ce groupe, il y a possible de faire des arrangements. Avec des bonnes conditions médicales. Oui. Parce que comme ça, c'est possible à faire l'élimination de toutes les maladies génétiques. Donc, c'est vraiment la sélection dans la famille. Oui. Mais qu'est-ce qui arrive si on n'est pas d'accord? Supposons qu'il y a plusieurs personnes dans la famille qui revendiquent le droit d'avoir des enfants, puis que la famille n'arrive pas à s'entendre. Est-ce qu'il y a une autorité quelconque qui pourrait venir s'en mêler, ou on se fie sur le fait que les gens vont finir par s'entendre? C'est nécessaire avec des instructions pour faire des groupings. Mm-hmm. Et comme ça, c'est nécessaire avec des intégrités de chaque personne. Oui. Mais aussi des assistances de le monde mondial. OK. Donc le gouvernement pourrait à ce moment-là trancher oui. si on s'entend. OK. OK. Puis sinon. Such a revolutionary platform is pretty hard to pass on, especially if it aims to standardize the whole world, especially in only one man's lifespan. Like John the Jigsaw and Harry Seldon, have you built a plan that will outlast you? Yes. Uh-huh. You have? Yes, I have. Talk to us a little about that plan. Well, the story is that I consider that in order for this type of approach to be effective, we need to bring it into being over a 50-year period. Okay. And the 50-year period fits in with the woman's procreative characteristics. At about 50, a woman goes into menopause. Yes. So I thought that was a good human number to choose so that we have some affinity with the human being all the time. Yeah. It's something we can relate to, let's say, 50 years. Yes. Uh-huh. So you're hoping to cut the number of human beings on Earth. That's the first aspect of your plan, if I understand. Yes, I'm trying to reduce it to 100 million people. Oh. In 20 regions, with Cyprus as the capital. Why Cyprus? Well, it's centrally located. It has all of the countries coming into it. Yep. It seems to be practical. It's always been at the center of, let's say, society and culture as we know it. Yeah, maybe it's a nice place. Mm-hmm. And the Mediterranean will never cease to become bigger because that's how the continent goes. C'est parfait. And the East and West meet there because one side it's Greek, the other it's Turkish, which comes from further Asia. Yep, or otherwise the South is Africa and North is Europe. So. Yes, oh yeah, sure. Uh-huh. Oh, it's at the middle of everything. So, how long could it take to create the new languages that you propose these regions will have to create? It shouldn't take too long. It's a matter of having the cooperation of the school system. And having all of this program of 20 regions with 20 capitals and then the island capital all hooked into computers that are programmed to interpret the origins of words. Okay. And then, for instance, with this part of the world, with Winnipeg as the center, the language that would be used to get foundation in would be French. Okay. Because of the historical background of the French language. In Western Canada, it would be Russian, because Russia was at one time in control of that part of the world. So the schools would work with linguists who have the qualifications to adjust the language so that children would be the first ones who would learn the languages as they progress, as they get shaped. And then there would be radio stations that would use this language along with the regular languages that people are accustomed to. Oh, that's okay. A pretty heavy job, eh? So yes. You would create new languages based on existing languages. Yes, that's right. Okay. And what's the point of creating new languages when we have such useful communication tools as English or German or Japanese, which are proven languages already? Why would you create a new language instead of just using the ones we already have? Well, for instance, if all of the 20 regions established languages mm-hmm. based on the languages in their regions, and then all of those capitals worked with the island of Cyprus, putting all of those languages together into one language. In Cyprus, since English is the world's language right now, yeah. It would be the primary language that would be used for the foundation. In Winnipeg, it would be French. In Peace River City, it would be Russian. In a city in Mexico, it would be Spanish. So you would let the languages evolve by themselves? Well, we would work with them. It would be an intellectual, physical endeavor. Okay. The idea here would be to have only one language in each region. Eventually, we'll have one language here, and then we'll have the world language So we'll have two languages. Okay. Oh, boy. So you took part in the last federal election. How was it being a candidate for these elections? It was very interesting. Yep. You see, I didn't run for the actual election. I only ran for the by-election. Ah, okay. And that was cancelled to make room for the general election. Okay, okay. So I went ahead. I got my my people who were supporting me. I paid everything, the money that was needed to be able to do this. Okay. And then when everything was in working order, election was canceled. So I have a full run of the experience. But it allowed you to meet Marc Garneau, who was the first Canadian in space. How was the guy? Pardon me? How was the guy? I was Marc Garneau. I mean, he was an half-god about 20 years ago. Yes. Still a half-god. He won the election in the general election. Yeah. So I bet, have you voted for him? No. No, not for Marc Garneau. Well, one last question before we go on with the show. Do you play Magic the Gathering? Do I what? Do you play Magic the Gathering? Is that a game? Yeah, it is. No, I don't know it. Nah, thank you. Everyone answers this. Yeah. Yeah. Oh, yeah. He asked this question to everybody. Yeah. Oh, yes. And nobody plays. Nobody plays. Ever. No. He's the only except one, him. Actually. Yeah. He's the only one. But maybe it could be the official game of the new world, though. Oh, yes. Oh, yeah. He'd be happy. Are you able to explain it a little? Well, you should ask him. Oh, yeah. It's kind of complicated. Yes, it's a card game. Yeah. Oh, okay, card game. Hein? Yeah. Oh, yeah. Avant de continuer dans l'émission, on va aller écouter ici Damien Blas Bouchard qui nous avait chanté sa chanson des ninjas. On va revenir après ça, parler des vraies valeurs. Ça va être qui? Ça va être Jessica? Ça va être Étienne? Oh, moi, je vais remettre les valeurs en question. OK, ça, ouais. Veut dire, ça va être Jessica, oh, juste ouais. Après Damien Blas Bouchard. Les ninjas dorment habillés en pyjama sous les draps. Chai! Dans la nuit, un sabre mouvant, le shuriken lui répand le sang. Oh, les gars! Car seul un ninja peut vaincre un autre ninja. Seul un ninja peut vaincre un autre ninja. Invisible shinobi, jutsu du scorpion noir. Prison sur le tatami, le silence tue dans l'armoire. Griffes acérées de chat maudit, sois-tu le crépuscule. La mort est un paradis qui se dissipe dans une bulle. Ya! Ya! Car seul un ninja peut vaincre un autre ninja. Seul un ninja peut vaincre un autre ninja. L'ombre noire et son empire égorge en contrebas. Souffle chaud marque ton incise sur le sceau du ninja. Car seul un ninja peut vaincre un autre ninja. Car seul un ninja peut vaincre un autre ninja. Ninja! Dis, bonjour, je suis telle personne et j'écoute. Bonjour, je et suis dans le 5 à 4. Quel bel indicatif. C'est le meilleur. Juste après Damien qui était revenu nous faire une chanson des ninjas. Est-ce que je l'avais raconté l'histoire de ça? C'est peut-être semi-pertinent, fais ça vite. Ben, de vas-y. C'est parce qu'il m'a dit qu'il s'est inspiré de Geneviève et Mathieu pour écrire le couplet de ça. Et Geneviève et Mathieu, c'est Geneviève Crépeau et Mathieu Tremblay. C'est deux de mes amis qui viennent de Rouen. Je les connais depuis à peu près 12 ans. Je leur ai fait écouter des films de ninja jadis. Et je peux prétendre être celui qui leur a amené l'optique de rire des ninjas. Ils ont écrit une toune sur les ninjas de laquelle Damien s'est inspiré pour venir ici. La boucle est bouclée. C'est quand même assez beau. Ouais. les chansons de Rouen, souvent, c'est inspiré. Tu sais, je veux dire, moi, je pense que c'est un franc succès. Ouais, tout le temps. Non, mais je suis sérieuse. Pas moi. Ben voyons donc. Ben, ouais. C'est ton droit. Tu sais, je fais plus de poudre pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, pour travailler plus. Ben, tu cours plus vite aussi. Ouais, hein, ouais c'est vrai, l'avantage, ça. Là, arrête ben de migrer. Plus confiance en toi. Ah, écoute, ouais, non, moi, cette semaine, je suis complètement sidérée, insultée, renversée, mais curieuse, hein. Ouais, ça m'arrive. Curieuse par des slogans de publicité qui font de nous ce que l'on est, hein, si vous en doutez. Non, ça nous affecte quand même. Mais je fais l'expo... Vraiment, l'expo est la critique de quelques slogans dans lesquels on a baigné depuis les dernières années. Je voulais pas remonter trop loin parce que là, je me suis dit, je vais peut-être me rendre compte que je suis plus affectée que je le pense, qui m'aurait détruit. Tu sais, vous me connaissez en un claquement de doigts. Je suis tellement sensible. Donc, je vais vraiment parler de trucs plus récents et je vous offre mes propres interprétations et slogans récents. On parle de Lacoste, hein. Lacoste qui dit « Deviens ce que tu es ». Oui. Donc, tu sais, je veux dire, t'es en crise existentielle, t'as des grandes remises en question, tu crois peut-être en dépression, ben comme petit gars, arrête de dépenser de l'argent puis pour tes mouchoirs puis ton psychologue, puis investis plutôt dans du Lacoste. Chaussures, vêtements, parfums, et voilà, deviens ce que tu es, dans toute ton authenticité. Bien sûr. Barbie, c'est tellement mieux d'être une fille. Oui, ben par ça. Rapport à en être une. Dans la vie, moi, les hormones, les menstruations, l'inégalité des sexes, puis accoucher, on dirait que ça me dit pas tant. Mais bon, dans mon cas, le choix de la nature m'a été imposé, alors c'est pas mal ça ma vie. Mais pour les transsexuels, ben comme voulant une opération, ben continuez, vous êtes sur la bonne voie. Si vous voulez un sexe féminin, c'est tellement mieux d'être une fille. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'il y a toujours eu un parti pris parce que Barbie avait des seins, donc un certain sex appeal, une personnalité était comme plus définie parce que Ken, lui, était complètement castré et lisse. Oui. À la base, aucune vrai. Chance. Vraiment c'est mieux vrai. D'être une fille. Ouais. Evian, l'eau, déclarée source de jeunesse par votre corps. Bon, moi, je pense perso que quand, quand t'entends ton corps s'adresser à toi-même, ben comme ça te prend plus que de l'eau pour t'en sortir. Ouais. Pourtant, on dit qu'il faut toujours écouter ce que notre corps nous dit. Ouais, je comprends rien. Moi non plus. Écoute, Ferrero, là, les chocolats, tout ça, laissez parler vos émotions. Bon, moi, ce que j'ai entre les lignes, là, c'est « Ouais, garage-toi sur mon produit en braillant pour devenir grosse puis rester seule, mais laisse sortir tes émotions la grande. » Comme la compagnie, elle a sort gagnante parce que le client, c'est sûr qu'il consomme d'une manière démesurée. Puis croyez-moi, j'ai déjà expérimenté. J'ai laissé parler mes émotions devant un pot Nutella. Puis c'est pas si beau à voir. Hein. Rien à voir avec Karine Vanasse dans Un homme et son péché sur la fin qui mange la confiture cachée derrière une cabane de bois. Parce que ça, c'était beau. Non, ouais, ça, c'était beau. Moi, j'avais pas de grâce. Pas de classe. Lego. Lego dit à toi d'imaginer. Bon, tu dépenses comme 50$ pour des blocs de plastique, mais débrouille-toi. Pas de mode d'emploi. Non, pas de mode d'emploi. Non, mais sans blague, OK, oui, je considère que c'est quand même un bon slogan pour laisser l'imagination. Ça fait que les enfants évoluent par eux-mêmes et extériorisent leurs fantasmes en Lego. Mais là, si on reste dans la même lignée de produits, on a Play-Doh. Tu sais, les pâtes à modeler, tout ça. Eux, c'est t'es plus malin avec tes mains. Donc, t'es plus malin avec tes mains. Donc, les parents, écoutez-moi, à quoi bon investir dans des réels pour le futur de votre enfant? À quoi bon les rêves et les études universitaires? Non à la maîtrise, non au doctorat. Comme, essaye pas de te dépasser. Anyway, ton avenir est tracé. Tu vas faire un job de bras, tu sais. Job de bras oblige, puis tu vas finir plombier. Fait que Play-Doh, t'es plus malin que tes mains. Contente-toi-en. Donc là, d'un sens, il y a l'ego qui te fait rêver à tout ce que tu pourrais bâtir dans la vie avec son slogan « À toi d'imaginer ». Puis il y a Play-Doh qui te casse en disant « Anyway, t'es juste malin que tes mains. » Je pense qu'il y a deux parties qui sont définies complètement. La société est-elle séparée par le choix des jouets que tu utilises quand t'es jeune? Je comprends. Je reste avec mes Barbies. Il y a Banque Populaire, en terminant, qui dit « Nous ne sommes pas populaires sans raison. » Ouais. OK. Ouais. Ça a toujours été un bon argument. Hein. C'est parce que c'est notre nom. Mais encore, ouais. Fait que moi, les gars, les filles, j'abandonne. Comme je me réisole, comme dans le temps où est-ce que j'avais la gastro, j'adopte une pensée de vie qui me suggère Air Wick. Air Wick qui dit des parfums qui changent la vie. Fait que moi, je choisis l'essence de push à vanille, puis je vous dis ciao bye, puis je me casse à Mirabelle, parce qu'à Mirabelle, la vie est belle. Fait que foutu slogan. Merci. Bravo. Ouais. Aïe, Jessica est déchaînée. Elle est en train de mordre la table puis d'arracher son linge. Je vais aller m'acheter de la cire Axe pour avoir des cheveux approuvés par les filles, je pense. Aïe, on va écouter ici un petit bout de Iggy Pop, Zinzin de l'espace de Space Freak. C'est lui qui avait fait la toune thème. On la finira pas parce qu'on va revenir pour parler un petit peu du film d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Jessica. Mon plaisir. Avec Jessica. Tellement vieux, est une fille. Five little monsters were riding through space. Their spaceship broke and they fell into this place. They gotta get out, but they don't know. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. The whole human race is already pretty loony, but the ones who move in this house are gonna go boony. Monsters live on TV, never in the zoo. Hang around with us and you will be a monster too. La la la la la la la la la. We like monster men. La la. Poor old Stereo, he changes what he knows. Echo is intelligent, he's quite a superhead. Gorgeous is a great big guy, but he's fat and too much pie. But he's cool, of course it's true, but he's a TV cool. La la la la la la la la la la la la la la la la. Salut, c'est Sarah. Je pense pas à grand chose, mais à chaque fois que je pense, c'est à 70%. Oh, c'est tellement bien. C'est la meilleure chose à laquelle penser, surtout quand on va passer aujourd'hui au travers de syndrome otage. De toute façon, trop penser, ça donne des rides. Moi, ouais, puis ça fait des auréoles sous les bras. Ben, tu sais, tu vois. C'est toutes des affaires que c'est moins bien d'être une fille dans ce temps-là. C'est ça. Donc, Hostage Syndrome, encore un classique des visionnements douteux, vous avez bien choisi ce soir. Hostage Syndrome est de ces films qui ont donné forme à ce mouvement. C'est tellement obscur qu'on est en face d'un des rares longs métrages que je connais qui est inexistant sur IMDb, Internet Movie Database, qui est la database ou la... la source. Base de données. La base de données, donc, qui est pas mal universelle quand on parle de cinéma. Faut dire que le réalisateur, qui s'appelle pour vrai Dominic Elmo Smith, est néo-zélandais et pertinent aux propos des lundis soirs. Voilà. Malgré le fait que la qualité de production de Hostage Syndrome Otage est de loin supérieure à, disons, Flick ou Ninja ou L'Eliminator ou... C'est ça, c'est assez. Syndrome Otage est très peu documenté sur le net. Sûrement pas parce que la densité en propos sexistes est bonne. C'est le genre de détail qui fait triper bien dur les gars de Nanarland. Eux qui ne parlent que très peu de ce génial -7.5. Même que j'ai lu sur quelques blogs que des gars, anglophones pour leur grand âme, veulent bien vendre une raison pour que ça devienne personnel pour obtenir une copie du dit film. Mais non! Parce que Hostage Syndrome Otage, c'est au Québec que ça se passe. Et comme il n'y a pas de deux tracks de volume sur un VHS, ben tu vas l'avoir en français, Andrew Levo de Brisbane en Australie. La chose donc a survécu ici au Québec parce que plus distribué. Plus distribué? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce que la trame secrète de fond d'histoire pour vrai, ce sont les sempiternelles relations homme-femme et que dans ce film-là, les femmes... sont plus heureuses d'être une femme. Ouais, c'est ça. Ça pourrait peut-être être là-dessus qu'on va résumer ça. Donc, moi, j'étais à 2 minutes 10. Je voulais avoir la trame de fond ici, là, la super tune parce qu'on connaît ça. C'est comme Vidéoville Showtime. C'est qui distribue donc le film? Vidéoville Showtime. Et voilà. C'est comme le band Vidéoville. Exactement, sauf qu'eux autres font des affaires mauvaises. Là. Je parle de Vidéoville Showtime, c'est ça. C'est la seule différence. D'accord. Là, après ça, ici, Monsieur Forêt, parce que la toune au début, on peut la laisser un petit peu. Il y a comme du rock. Là. Ouais, ça rock pas mal. Don't you know that ah, c'est le même funk que G.I. Joe. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est ça, je voulais vous montrer un petit peu la trame sonore. On va aller à 7 minutes 23. Et voilà, vous savez tout, Hunter. Trois des meilleurs spécialistes en biologie de ce pays, ainsi que leurs enfants, enlevés. Pas de rançon demandé, pas de cadavre. Et qui est derrière tout ça? D'après nos sources, il s'agirait de ce type, Vladimir Dmitrievitch. Un gros homme d'affaires soviétique installé provisoirement à Los Angeles. Un gros homme d'affaires soviétique, ça existe. Ils peuvent être gros, eux aussi. Ça engraisse des Russes. Ah, ça brasse, là. Là, il y a la madame qui vient d'entrer. Là, on a des tapes secrets qui sont très bien cadrés. On raconte qu'il a commencé en URSS en présentant des prostituées aux diplomates. Il était mêlé aussi à un trafic de fourrure. C'est ça qu'il a dit. Maintenant, il a pris du galon. Il fournit des armes en Amérique centrale et au Moyen-Orient. Le voici avec le sénateur Hemsley. Président du comité de sécurité internationale. Hemsley Solar. Dmitrievitch a joué un rôle important dans de nombreuses opérations mises en place par le ministère de la Défense. Et ça, c'est le dernier en date de ses protégés. Un ancien champion de boxe qui s'appelle Andrea Botavitch. Un poulain. Andrea a été engagé depuis peu comme homme de main par le KGB. Il est plutôt mignon. Dans le genre gorille. Je trouve assez spécial comment que ici l'héroïne du film ressemble étrangement à l'héroïne de Ninja 3 La Domination, étant elle-même plutôt virile. Oui. On a encore quelques extraits ici, 30 secondes, très pertinents. On commence quand, Avril? Ne soyez pas trop impatiente, Joyce. C'est normal. L'agent Corby est une nouvelle recrue. Elle a peu d'expérience. Mais l'idée ne me paraît pas mauvaise. Ça serait bon que vous ayez une couverture. Parce d'autant plus froid. Qu'elle est séduisante. Ça ne m'enchante pas vraiment. Right. C'est vous le patron, M. Slate? Alors, bonne question. Moi, hein. C'est biologiste. Avez-vous une piste concernant les activités de Dmitrievitch? Écoutez, si je vous ai confié cette mission, c'est en raison de vos capacités. Alors, à partir de maintenant, c'est à vous de jouer. Il aurait pu répondre non. Je peux pas t'aider, là. C'est toi qui fais la job. Là. Donc, trame sonore de fond, Bubble, Bruno, tout de micro. Yes, bloc, Asie. Pour montrer que j'étais loin, j'ai lancé mon micro, ça n'a pas marché, ça allait accrocher le laptop. Ça y est, j'ai manqué mon effet. Bon, alors, en plus du divertissement et de l'exercice, la Nintendo Wii vient de se trouver un nouveau champ d'expertise, outils policiers. La police de Kanagawa au Japon utilise les propriétés de création de visage de la Wii, le Mi, afin de créer une affiche de personnes recherchées. Ainsi, un homme recherché pour délit de fuite a maintenant un Mi recherché. Oh ben, viens jouer à Wii, fais-moi. C'est qui? C'est bon ça. On continue en Asie. Une grand-mère sud-coréenne, identifiée seulement par son nom de famille, Cha, a échoué son test de conduite 771 fois. La dame. Un bel exemple de détermination. Ouais, c'est comme le gars avec le cube Rubik. La dame de 68 ans a pris le test presque chaque jour ouvrage depuis 2005 et l'a échoué chaque fois. Il s'agit d'un record, affirme Choi Yong-chul, sergent de police. Je me demande si elle essayera une autre fois. Choi affirme que Cha n'a jamais passé le test écrit préliminaire avec des notes oscillant entre 30 et 50%, alors que la note de passage est de 60%. Cha a l'intention de continuer jusqu'à ce qu'elle passe. Jusqu'à ce qu'elle meure. Puis vraiment, les gens qui lui faisaient passer le test, à chaque fois qu'elle échouait, ils étaient vraiment déçus, là, parce qu'ils sont rendus ben avec là, elle. C'est rendu une croisade. C'est tellement mieux d'être une fille. Ah oui. Il y a 771 fois. 771. Faut qu'elle fasse au moins 6 fois. Probablement 772. Et bien d'autres à venir. Ah oui, c'est ça tous les jours. Ça va bien. C'est comme Charles Schulz, il disait, hein, parce que lui, il a dit Charlie Brown, c'est pas un loser. S'il était un loser, il arrêterait d'essayer. Ouais. Voilà, bravo, hein, puis j'aimais ça aussi quand t'as dit Cha n'a dit à Cha. Ouais. C'est très clair. Hey, Forêt, oui. Illumine-nous, s'il te plaît. D'accord, j'ai quand même de la musique à faire jouer en background. Je voudrais juste mentionner que c'est une suggestion de Israël Trudel-Denis, qui n'est plus avec nous depuis un bout, mais qui reviendra sûrement un jour. C'est Père Tremblay et les nouveaux Alléluia qui vont nous chanter une coupe d'affaires. Pendant que toi, tu sors ta Bible. Pendant que je sors ma Bible. En fait, toute cette histoire a commencé un beau jour où j'étais devant la télé le soir, super tard, puis que je voulais pas aller me coucher, même si j'étais fatigué. Ça m'arrive super souvent. Dans ce temps-là, j'écoute n'importe quoi qui passe, puis j'étais sur une infopub que j'avais jamais vue, du révérend et prophète Peter Popoff. Et je voyais plein de monde qui s'extasiait et qui pleurait de joie en racontant toutes les choses incroyables, les miracles qui leur étaient arrivés. Puis je me disais, j'aimerais ça être comme eux, ça a l'air le fun. Comment faire? Fait qu'il suffisait d'attendre un peu pour me faire dire que ces gens-là avaient tous mangé de la manne divine. Alors là, je vous explique tout de suite que quand je parle de manne, je ne parle pas de papillon de nuit. Voilà. Ouais, okay. Contrairement à ce que tout le monde me répond à chaque fois que je leur parle de ça. En fait, la manne, c'est de la nourriture que Dieu avait créée et laissée tomber dans le désert lorsque les Israélites s'enfuyaient d'Égypte. Alors, je vous demanderai d'ouvrir votre Bible à la page. À Exode, chapitre 16. Je commence au verset 2. J'ai oublié mon livre, je peux partager. Oui, regarde avec moi la Bible. Bon, ça va être correct pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, il faut l'apporter. Ah ben, ça va. Alors, après les 10 plaies d'Égypte, là, je vous situe un peu, les Israélites qui étaient esclaves des Égyptiens s'enfuient dans le désert en suivant Moïse. Alors, au verset 2 du chapitre 16 de l'Exode, on dit « Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. » Les fils d'Israël leur dirent « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près du chaudron de viande, quand nous mangions du pain à satiété, vous nous avez fait sortir dans ce désert pour nous laisser mourir de faim toute cette assemblée. » Donc évidemment, les Israélites chialeux, ils se font sortir de leur vie d'esclave, puis là, ils se plaignent, on n'a rien à manger, gna gna gna gna gna. Le Seigneur dit à Moïse « Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. » Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne afin que je le mette à l'épreuve. Marchera-t-il ou non selon ma loi? Le sixième jour, parce qu'il y a toujours une petite épreuve, tu sais, Dieu dans l'Ancien Testament, il était wrathful. Il était assez jongleur. Oui. Ouais. Le sixième jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, ils en auront deux fois plus que la récolte de chaque jour, parce que le septième jour, ils en ramasseront pas. C'est le jour du Seigneur. Donc, c'est tout prévu de même. Ils ont toujours une ration parfaite, puis le sixième jour, ils en ont double ration pour le lendemain. Donc, le lendemain matin, une couche de rosée entourait le camp. La couche de rosée se leva. Alors, sur la surface du désert, il y avait quelque chose de fin, de crissant, quelque chose de fin tel du givre sur la terre. Les fils d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Manhu, qui veut dire qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi ce bout-là, ils l'ont pas laissé, ils l'ont pas traduit. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Eh oui. Donc là, c'est logique. Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur vous a ordonné. Recueillez-en autant que chacun peut manger. Vous en prendrez un homère par tête, d'après le nombre de vos gens, chacun pour ceux de sa tente. Donc, un homère, on nous dit en glaceur à la fin que c'est environ 4 litres et demi. Donc, quand même, c'est une belle quantité. Les fils d'Israël firent ainsi. Ils en recueillirent qui plus, qui moins. Ils mesurèrent à l'homère rien de trop à qui avait plus, et qui avait moins n'avait pas trop peu. Alors, essayez de comprendre ce que je ne le répéterai pas plus lentement. La fois que j'en ai eu plus, j'en ai eu moins que j'en ai eu plus. C'est ça, exactement. OK, je leur dis, mais vite. Rien de trop à qui avait plus, et qui avait moins n'avait pas trop peu. Chacun avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Donc, au verset 32, on dit, la maison d'Israël donna à cela le nom de manne. Voilà, fait que c'est ça, la manne. C'était comme de la graine de coriandre, c'était blanc avec un goût de beignet au miel. Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée en pays habité. C'est de la manne qu'ils mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Donc, Mange donc de la manne. Donc, d'où l'expression. Cette manne-là est donc tombée du ciel pour nourrir les Israélites. Puis là, le révérend et prophète Peter Popoff nous permet d'en manger nous aussi. Je capotais ben raide. Il a accès encore, à ça. Puis lui, là, ce que j'ai trouvé un peu étrange, parce que je me souvenais vaguement de toute cette lecture, parce que j'ai eu une éducation catholique très poussée, croyez-le ou non. Il nous donnait un numéro 1-800, puis il disait « Appelez-la ». C'est là la manne. Et puis, je vous livre ça gratuitement. Vous n'avez rien à payer. Pas de frais de port, manutention, rien pantoute. L'appel est gratuit. Vous recevez votre manne. Et la manne est faite selon la recette officielle de la Bible. Puis là, je me disais, comment ça, la recette officielle dans la Bible? Il n'y avait pas de recette. Ça tombait du ciel. Je ne comprends pas. Puis là, dans l'infopub, il nous donnait un verset à aller lire pour prouver que c'était la recette officielle. Donc là, je vous amène à Ézéchiel, chapitre 4, verset 12. Verset 9. Et là, je me disais, j'étais allé reconsulter ma Bible parce que je trouvais que ça avait pas d'allure que ça soit dans Ézéchiel, puis effectivement, c'est n'importe quoi. La recette qu'il y a là-dedans, c'est pas la recette de la manne, c'est la recette du pain que Ézéchiel devait faire pour manger devant les gens de Jérusalem qui étaient rendus plus gentils puis qui allaient être punis bientôt pour leur montrer que bientôt il y aurait plus rien à manger. Et la recette, c'est: prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. C'est comme une sorte de blé moins nourrissant. Oui, du bon épaule. Un petit apôtre. Mets-le dans un récipient, tu t'en feras du pain. Pendant ces jours où tu seras couché sur le côté, 390 tu en mangeras. Ce sera la nourriture que tu mangeras, une ration de 20 cycles par jour, environ 220 grammes. Tu en mangeras jour après jour. Donc, tu mangeras ton pain en forme de galette d'orge. Tu le feras cuire sous leurs yeux sur un tas d'excréments humains. Donc, j'espère que Peter Popoff ne suit pas la recette jusqu'à ce point-là, parce que je me promets d'en manger après. Donc, le Seigneur dit, c'est ainsi que les fils d'Israël mangeront un pain impur parmi les nations où je leur disperserai. C'est ça le symbole. Ils vont le voir manger ça, puis ils vont dire, ah non, mon Dieu, ça fait 390 jours qu'ils mangent ça. Ça veut dire que nous, on va se faire disperser pour en manger un pain impur. Donc, Dieu toujours très clair. Je répondis, Seigneur Dieu, je ne me suis jamais souillé depuis mon enfance. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mangé de bête crevée ou déchiquetée. Il n'est jamais entré dans ma bouche de viande immonde. Tu vas pas me faire manger ça quand même. Alors Dieu dit, eh bien, je t'accorde de la bouse de vache au lieu du tas d'excréments humains. Tu cuiras ton pain dessus. Ah bon, c'est bien moins pire. Donc ça, c'était la recette que Peter Popoff disait qu'il allait utiliser. Qui est pas finalement pas en toute la recette de la manne. La manne. On le dira. Fait qu'il fait cuire ça avec de la marde de vache à la place de faire cuire. Ça mange la manne. Cela ne le dit pas. Mais bon, moi ce que j'ai fait, j'ai tout de suite appelé au numéro 800 qui est 1-800-346-6032. Donc si vous voulez appeler pour vous en commander, Peter Popoff, c'est gratuit, tu dis ton nom, ton adresse puis tu reçois ça. Et là, j'ai reçu un paquet de belles missives. Je vous en lis des bouts choisis. C'est tout en anglais, mais je les ai traduits quand même comme ça parce que... Oh boy, hein, t'en as quoi? J'en ai reçu une pile et un autre. Là, ça, c'est parce que t'as appelé à un numéro. Au numéro 800, puis j'ai donné mon adresse. Hey donc, boy. Donc, je reçois ça. C'est adressé à cher frère Forêt. C'est trop drôle. Donc, on dit, Dieu est sur le point de vous donner un signe très précis qui va totalement construire votre foi et la rendre forte. Un signe qui va renouveler votre âme et faire en sorte que vous ne vacillerez plus jamais. Un signe qui vous fera savoir irréfutablement, sans aucun doute, que le pouvoir de Dieu est déjà au travail pour vous amener de bonnes choses dans un futur très rapproché. C'est quoi, il annonçait le prochain missile? Non, il disait, je suis en ce moment mandaté directement par l'Esprit-Saint et je vais vous dire pourquoi ce puissant déversement supernaturel du pouvoir de Dieu sera bientôt déclenché dans votre vie. C'est comme de la tarologie un peu. Oui, puis il y a beaucoup de superlatifs. C'est Vénus en maison 2. Et quel changement ce déclenchement de pouvoir apportera à votre vie et à votre avenir très rapproché? Deux dates très importantes, le 7 mars et le 3 avril. Ça, c'est mes dates. Moi, j'aimerais dire que 7 mars, comme j'aurais plus d'assurance chômage, fait que peut-être que ça va changer de quoi là. Espérons. Ça coïncide à la même cas, date, en tout cas. Le 7 mars, si je reçois plein d'argent, je penserai un petit peu à toi, Jessica. C'est fin. Puis moi, j'en ai. Le 7 mars et les jours suivants, un phénomène inattendu va d'un seul coup briser les chaînes qui vous avaient jusqu'à maintenant empêché d'avancer, de saisir les miracles que Dieu a amené à votre portée et de vivre la paix, la puissance, le succès et l'abondance que Dieu a prévu pour vous. Mais lui, il présume que t'es pas heureux, t'es en train d'être triste puis qu'il te manque de quoi. Là. Oui, oui, ben c'est parce que c'est pour ça que j'appelais. Là, là ce qu'il présume, c'est que je manque d'argent parce que ça revient souvent de ça, l'argent. Donc, pendant qu'il priait, il m'a vu dans ses prières, Peter Popoff, et il m'a vu irradiant des vagues de lumière supernaturelle de puissance. Et cette lumière... cette lumière lumineuse, rassurez-vous, invisible aux humains normaux. Ah, donc, okay. Ici, il y a juste Jessica qui le dit. Il y a juste qui a réagi. En tout cas, t'es comme les enfants indigo. Tirez vos conclusions vous-même. Agira comme un phare pour les forces supernaturelles qui vont attirer des vagues merveilleuses de richesses intenses à moi. Donc, je vais briller d'une lumière protoplasmique. Là, je passe ça en diagonale parce que c'est vraiment très long. Là, j'ai reçu en fait la première fois 6 pages, 8,5 par 14, bien dense de ouais, superlatifs comme ça. J'ai toutes les lire. Donc, non, c'est ça. Donc, en gros, on dit deux sommes d'argent importantes qui s'en viennent pour moi, des bonus, récompenses, héritage inattendu, quelque chose de le fun, hein? Quelqu'un va mourir. Ouais, c'est ça. C'est quoi le numéro déjà? Le numéro, c'est 1-800-346-6032. Dépêche-toi, il te reste plus beaucoup de chômage. Donc, c'est là qu'on m'a donné un petit sac de pusher contenant quelques grains de sel. Je vais vous le montrer ici, je l'ai quelque part. Puis la manne, elle s'en vient dessus, elle? Ben, c'est ça. Là, sur le coup, j'étais déçu parce qu'il n'y avait même pas de manne. J'ai reçu ça, un petit ziploc de pusher de même avec du Christophe Net dans le fond. L'as-tu sniffé pour voir? Non, en fait, en réalité, c'est du sel de la mer morte béni par les prières de Popoff. Donc on me dit, au moment précis où vous utiliserez celle de la mer morte et les jours qui suivront, un déclenchement de pouvoir supernaturel grandiose démarrera des événements et des choses pour vous, chacune plus merveilleuse incroyable que la précédente. Il ouvre le sac. Moi, je veux partir témoin. Alors ce que je dois faire, t'es sûr que tu vas appeler Jessica? On pourra en parler. Attention, il faut que je prenne un à deux petits grains de ce sel de la mer morte béni, seulement un à deux petits grains, pas trop, l'ambiance, et que je les mette sur ma langue. Et voilà, c'est fait, mesdames, messieurs. Il l'a fait. T'as l'air fait. Tellement plus frisé que tout à l'heure. Ça goûte salé. Donc, tu vas nous ramener la semaine prochaine des résultats. Je vais vous dire, là, il faut que je fasse ça pendant 3 jours, toujours à la même heure. Et Dieu m'a donné un message directement à moi, écrit dans lettres de Popoff, tout en lettres majuscules, pour me répéter en gros un peu les mêmes choses. Et ça se termine par « Obéis, dit Dieu, et tu recevras ». Alors, je dois faire ça pendant 3 jours, ensuite remplir un formulaire de prière et l'expédier à Popoff. Au 3e jour, Dieu va m'envoyer un signe qu'il m'a entendu en me donnant un goût sucré dans la bouche. That's what she said. Ce sera mon signe personnel et ma confirmation que mes bénédictions sont en route. Le chèque est dans le mal. Donc on me dit, ça j'ai trouvé ça bien, on me dit, veuillez répondre à ces 3 questions qui sont numérotées de 1 à 4. Donc, première question, est-ce que quelqu'un de votre entourage planifie un déménagement? Deuxième, est-ce que quelqu'un près de vous vous a blessé ou a blessé quelqu'un qui vous est cher? Si oui, écrivez son nom. Troisième, avez-vous prié pour un montant d'argent quelconque? Oui, non, combien? Et quatrième des 3 questions, quelle est la chose la plus importante que vous voulez que Dieu fasse pour vous dans les prochains 28 jours, du 7 mars au 3 avril? Donc ensuite, je dois faire une offrande de 27$ et le saupoudrer du sel qui me reste avant de l'envoyer à Popoff, parce que ça va être un peu comme là t'en as presque pas du sel. Est-ce qu'on peut l'inviter en studio, lui? On pourrait essayer, mais je pense qu'il reste à Vancouver, je sais pas s'il va venir jusqu'ici pour la cité merveilleuse. Donc si j'envoie 27$, ça va m'aider, parce que je ne peux pas venir devant Dieu les mains vides. On va te le donner, ça ne se fait pas. Mais heureusement, si jamais c'est impossible, je ne peux d'aucune façon réunir une telle somme, Popoff me dit que je peux me contenter d'envoyer 17$ à la place. Alors je vais donc suivre ces instructions précises et je vous reviendrai la semaine prochaine pour dire si ma vie a changé. Et je vous dirai que sur le coup, j'ai été déçu que j'ai pas reçu de manne, mais j'ai reçu du sel à la place. Mais aujourd'hui, quelques minutes avant mon départ pour venir ici, il n'y a pas de hasard, j'ai reçu une 2e lettre de Popoff qui avait de la manne dedans. Je vous en parle la semaine prochaine. Oh! T'es tellement mystérieux, Étienne! Monsieur Wattie, Andy Wattie, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes croyant? Êtes-vous religieux? Comment? Êtes-vous croyant? Do you believe in God? Or Vishnu? Something like that. Good answer. It's a technical question in language, because it's too difficult to go into, but it's as if the various gods have names, And then in English it works out that they all add up to essence. Oh, so some kind of metapsychic entity that conglomerates all our thoughts. Well, it works out that Islam says Allah. Okay. And Christianity says Yahweh. And Judaism says men. So they're all the same. So no, there are two names, and then there's the name for God. Okay. So Islam absorbs the other two. Oh, it's the strongest. But you have to go into English to get to essence, because okay. Essence is equal to Yahweh. Ah, okay. Oh, yeah. Spirituel, monsieur, en plus. Fait, ouais. Bon, parfait, ça. Est-ce que vous êtes prêt à faire votre indicatif, monsieur Wattie? Moi quoi? Indicatif, je m'appelle Andy Wattie. Oui, ça va bien, oui. Oui, ben est-ce que vous voulez le faire là? J'écoute 70%, une affaire comme ça. It's like, hi, my name is Andy Wattie, I'm listening to... 70%. 70%. Oh, hello, my name is Andy Wattie, I'm listening to 70% at UCAM. I'm enjoying myself. There are a lot of nice people around. Yes, thank you. And naked people around. Alors voilà, juste pour dire là, j'avais dit que je plierais mon t-shirt en 3 secondes. Je suis pas en bédaine pour rien. Je suis en bédaine pour plier mon t-shirt en 3 secondes. Alors je vais vous l'expliquer en même temps que je le fais, parce que c'est la radio, hein. Puis vous voyez pas. Alors on met le t-shirt à plat devant nous. Excuse-moi, le poil, ça me fait vraiment quelque chose. Voilà. Alors on met le t-shirt à plat devant nous. Et là, on imagine une ligne imaginaire au centre du t-shirt, donc qui va d'un côté à l'autre du t-shirt. Latéralement. Et on pince environ au niveau de l'épaule. C'est tellement pertinent, les deux côtés du tissu. Ça va être magnifique. Ensuite, on pince les deux côtés du tissu dans la ligne latérale qui rejoint la ligne horizontale dont j'avais parlé tout évidemment, à l'heure. Évidemment, bien sûr. C'est extrêmement clair. Au niveau de l'épaule. Ensuite, on ramène la main qui est au niveau de l'épaule derrière la main au centre du t-shirt. En et on va chercher toujours le bas du t-shirt en pinçant les deux côtés. Okay. Ensuite, on décroise les mains. Oh! Et on plie comme Bruno, ça. Tu es super merveilleux. Wow! Et en plus, tu es nu. Quelle bonne soirée. Voilà. Top chrono, 3 secondes. Et voilà. J'ai expliqué, je peux vous le faire en 3 secondes. Encore, là, encore. Ouais, parce que là, en expliquant, c'est sûr, c'est pas long. On le dépose comme ça. On imagine une ligne latérale comme ça, comme ça. On voit de la pure lumière blanche. On dirait que c'est moi qui ai pris le sel de la mer. Tu t'es entraîné combien de temps? Hey, cela dit, pendant qu'on pamoise devant Bruno et ses mamelons, je pense que je vais aller le petit dernier bout de mon texte ici parce qu'on est déjà rendu à la fin de l'émission. Avant de continuer, on va redire merci beaucoup Andy Wattie. On n'a pas beaucoup pu parler de la carte ici, la carte du monde qui nous avait amené avec le découpage des 20 régions du monde. Ben, il reviendra. Vous reviendrez, M. Wattie, si jamais ça vous dit de parler de ça un petit peu plus. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une excellente fin de samedi, journée. Samedi, c'est à Saint-Valentin. Oui, et puis samedi, tout le monde est aussi bienvenu au 1803 Saint-Christophe pour faire des clips, là, amener... T'as entendu, Jess? Samedi, c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu fais samedi? Ben, je pense qu'on pourrait se faire une petite Valentin. Moi, je vais te chercher une petite dans Valentin à nous toutes. Tu vas être ma Valentine? D'accord. OK. Ils vont être chez nous les deux, hein, fait que si vous voulez, vous viendrez voir. Ils vont se faire un petit Valentin, un petit Valentin dans la baignoire. Fait que toi, tu te restes une nouvelle? Oui, il me resterait peut-être une nouvelle à faire. Fais ça vite, puis après ça, on fait autre chose. Alors, une compagnie d'assurance en Autriche a décidé d'offrir 20 emplois à temps partiel seulement aux candidats étant nés sous le signe du Capricorne, Taureau, Verseau, Bélier ou Lion. Des groupes anti-discrimination ont protesté contre cette action et ont demandé au gouvernement d'enquêter sur le cas. La compagnie, quant à elle, garde sa position, expliquant que ce choix est basé sur des statistiques et non sur une superstition. Une étude statistique aurait démontré que tous les meilleurs employés de cette firme étaient nés sous l'un de ces 5 signes astrologiques. L'enquête des autorités autrichiennes a démontré que la firme n'avait rien commis d'illégal puisqu'il n'y avait aucune discrimination selon les lois existantes concernant le sexe, l'âge, la race, la religion ou autre. Égalités. Ah, ben. Voilà. On lui souhaite plein de plaisir. L'Autriche, encore eux autres. Donc, pendant que je remercie tout le monde, paquez vos affaires, vous autres, parce qu'on s'en va, il faut laisser la place pour l'autre. Oui. Je vais lire ici mon petit texte sous fond de Bubble Bubble en fermant les micros des chansonniers français. Ils ne peuvent pas juste écouter, ils sont obligés de chanter. Donc, Hostage syndrome, le boss de la fille qu'on a vu tantôt un petit peu, qui parlait, qui voulait pas s'associer avec la fille, ben c'est sûr qu'il est gay, on va le comprendre dans le film. La fille est virile, elle va chercher sa sœur qui est aussi virile qu'elle à l'aéroport avec sa nouvelle date qui est Grant Vincent, le héros du film. Sa sœur, elle, est une groupie d'armes à feu qui vont tomber amoureuse du gars qui est vraiment... le héros, voilà. Syndrome Otage met en scène une des plus incroyables histoires d'amour du cinéma. Rien à redire. Quant au prétexte autour duquel ça gravite, je vous apprends qu'on fait face à un semi-tournoi de personnes tuées pour obliger le meilleur à participer à une dernière mission de vengeance. Des gens furent kidnappés également pour forcer des savants à fabriquer une affaire bien puissante avec des produits scientifiques. J'aimerais faire une petite parenthèse sur Grant avant de laisser couler. Est-ce que son nom de famille c'est F. Otto? Je ne sais pas. Grant est un gars qui s'est fait vengeance lui-même lors de son séjour dans les forces constabulaires. Il était le meilleur, tellement le meilleur qu'il se donne le droit de tirer avec son arme de poing dans la cigarette dans la bouche d'un dégueulasse de salaud qui fumait dans une zone où il savait que c'était interdit de fumer. Il est tellement le meilleur que les femmes le désirent malgré qu'il ait la carrure d'un elfe nain et le caractère d'un pitbull. Grant Vincent, le héros de ce soir, en est un que vous allez aimer voir perdre à la fin. Quoi? Le héros perd? Mais alors, c'est la fin du monde? Non, car la diégèse aura une arme secrète en réserve. Ce soir, au brouhaha, c'était 70%. Merci tout le monde, à bientôt. Amis cinéphiles, bonsoir, ici Nicolas Krief au micro pour Écran Total sur les ondes de Choc FM, la radio web de l'UQAM. Je salue tous mes collaborateurs, Marie-Lise Rousseau, Sabine Garcia.